Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'émeute à la prison d'Attica en septembre 1971. We are men! We are not beasts and we do not intend to be driven or beaten as such. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des bêtes et n'acceptons pas d'être traités et brutalisés comme tels. L'ensemble de la population carcérale se bat pour anéantir la brutalité et le mépris de la vie des détenus, ici et partout aux États-Unis. Ce qui se passe ici n'est rien d'autre que le bruit avant la furie de ceux qui sont opprimés. What has happened here is but the sound before the fury of those who are oppressed. Ce cri du cœur lancé par Elliot L. D. Barclay lors de la mutinerie de la prison d'Attica en 1971 exprime bien toute la rage, toute la colère aussi que ressentent les détenus de cette prison au moment où s'y déroule ce siège. L'émeute à la prison d'Attica va rapidement devenir un symbole fort de la lutte pour l'égalité des Noirs, mais le bain de sang dans lequel elle va se terminer va aussi marquer la fin d'une époque, celle de la lutte pour les droits civiques des Noirs dans les années 60 et l'entrée dans une nouvelle ère politique aux États-Unis avec l'arrivée au pouvoir d'une certaine droite. La fin dramatique de la révolte des prisonniers provoque des réactions contradictoires. Mais l'opinion reconnaît que ces violences reflètent un changement dans l'état d'esprit au sein des prisons américaines. Elles suivent la politisation des détenus noirs, portoricains ou américains d'origine mexicaine. Certains directeurs de prison dénoncent la politisation croissante des détenus noirs. Ils reconnaissent cependant que la haine raciale ajoute au climat de violence dans les prisons. Les militants noirs ne cachent pas qu'ils ont trouvé, dans ce qu'ils appellent le scandale du système pénitentiaire, un terrain d'élection pour relancer une activité politique en perte de vitesse sur d'autres fronts. Le gouverneur de l'État de New York, M. Rockefeller, qui a reçu les félicitations du président Nixon pour la façon dont il a fait arrêter l'émeute, dénonce les tactiques révolutionnaires des militants et il annonce la tenue d'une enquête qui s'étendra aux forces extérieures de la prison qui, selon lui, ont joué un rôle dans cette dernière émeute. D'autres personnalités s'élèvent au contraire contre l'emploi de la force pour réduire l'émeute. Sur la chanson « Attica State » de John Lennon et Yoko Ono, enregistrée en 1972, vous entendiez un extrait de reportage de Lucien Millet, diffusé au Téléjournal le 14 septembre 1971, au lendemain de la fin tragique du siège à la prison d'Attica aux États-Unis. Pour nous rappeler le contexte de cette émeute, son importance également dans l'histoire américaine, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quelle importance a cet épisode, Karine Prémont, de l'émeute d'Attica dans l'histoire de la lutte des Noirs aux États-Unis? Cette émeute-là est probablement la rupture très nette qui existe aux États-Unis entre les années 60 et les années 70, c'est-à-dire des années 60, justement, où le mouvement pour les droits civiques, l'activisme politique était, à tout le moins, avait une certaine résonance au sein de la population, alors que soudainement, dans les années 70, il y a une grande désillusion, une grande frustration, parce que soudainement, ces voix ne portent plus, ou en tout cas, portent moins qu'avant. Et donc, on sent tout de suite une espèce de refermement sur soi de la part de la société américaine. Et donc, les revendications vont être perçues de façon beaucoup plus négative par la population. C'est aussi des images iconiques, c'est aussi des vidéos, des photos de ce qui s'est passé dans cette prison-là qui rappellent ce qui s'est passé au Mexique en 1968, par exemple, qui rappellent ces années fortes. Quand les médaillons américains lèvent le poing dans les airs, effectivement. Ouais, parce que ce sera ça, la photo iconique dans la cour de la prison d'Attica, des prisonniers avec le poing en l'air. Exactement, et c'est un rappel. Et c'est un rappel à ce qui s'est passé à Mexico, mais c'est aussi un rappel au Black Panthers Party, justement, à ce regroupement des Afro-Américains pour de meilleures conditions de vie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des murs de la prison. Alors, dans quel contexte va se produire? Qu'est-ce qui va conduire, au fond, à cette fameuse émeute à la prison d'Attica en septembre 1971? Bien, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, on sait que dans les années 60 et 70, le système carcéral aux États-Unis est très dur. Il y a un taux d'emprisonnement quand même assez important. On parle de 100 détenus pour 100 000 personnes, ce qui, à l'époque, est beaucoup. On l'a entendu dans l'extrait vidéo, l'activisme politique chez les prisonniers augmente. Sont des prisonniers, en guillemets, politiques, là, les Black Panthers, entre autres. Effectivement, parce qu'ils ont été emprisonnés dans les prisons du Nord, essentiellement, pour les séparer de leur base. base, de leur groupe, de leurs amis, de leurs alliés. Alors, ils se retrouvent dans des prisons du Nord. Attica est une prison dans l'État de New York, près de Buffalo. Alors, ces gens-là, à l'intérieur de la prison, se regroupent aussi de la même façon qu'ils se regroupent à l'extérieur. Et donc, ce qu'on voit à Attica, c'est un microcosme de ce qui se passe dans l'ensemble de la société américaine. Donc, il y a vraiment un regain de tension parce que ces gens-là utilisent un langage qui est plutôt violent. Ils revendiquent de façon plutôt agressive. Alors, les forces de l'ordre, les gardiens de prison sont tous sous tension ou à peu près là, dans cette période-là de l'histoire américaine. Et puis, Attica, ça va sauter, la marmite va sauter en septembre 71, mais il y a déjà des indices avec ces prisonniers plus politiques, plus activistes à l'intérieur même des murs des prisons. Il y a un premier avertissement là, qui arrive à Raleigh, en Caroline. En Caroline du Nord, en avril 68, il y a 500 prisonniers qui vont faire un sit-in pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie, pour mettre le feu au matelas, vont attaquer des gardiens, mais très rapidement, les autorités réagissent, se mettent à tirer sur les gens, et très rapidement, on retourne dans nos cellules et c'est terminé. Il y a 6 morts à ce moment-là. Évidemment, ben, ça va avoir des conséquences sur la suite des choses. Parlons des conditions, puisque en Caroline du Nord, on se soulève, puisqu'à Attica, en 71, on va se soulever aussi. Ça ressemble à quoi, les conditions des prisonniers dans les prisons américaines à ce moment-là? Ce sont des conditions tout à fait déplorables. On peut à peine l'imaginer aujourd'hui. Des prisonniers ne prennent pas toujours une douche par semaine, dans la plupart des cas. On parle aussi de distribution de papier hygiénique. Ils ont un rouleau de papier hygiénique par mois, par exemple. Censure du courrier, à peu près pas de visite, ou en tout cas, c'est très aléatoire, les visites qu'on accorde ou pas aux prisonniers. Ils ont à peu près pas de soins médicaux, une nourriture qui est abominable. Ouais. On est vraiment là dans des conditions de détention extrêmement minimales à cette époque-là, et ça fait partie des revendications. La question du racisme aussi est très criante dans les prisons américaines à l'époque, parce que 55% des prisonniers américains sont d'origine afro-américaine et l'entièreté des gardiens, généralement, elle est blanche. À Attica en particulier, les 380 quelques gardiens sont tous blancs. Alors, il y a des tensions raciales extrêmement présentes à Attica, notamment. Bon, revenons au contexte précis qui va conduire à l'émeute à la prison d'Attica. Ce siège-là commence le 9 septembre 1971. Ça suit d'à peu près 2 semaines l'assassinat du militant Black Panther. On y revient à la présence des Black Panthers en prison. George Jackson est à la prison de San Quentin, près de San Francisco. Il est assassiné à l'intérieur des murs de la prison par les gardiens le 21 août 1971. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux événements? Certainement, on va en parler dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter un extrait de l'émission Formatant, diffusé le 21 novembre 1971. Vous allez y entendre la lecture d'un extrait d'une lettre que George Jackson écrit à sa mère. Et vous allez entendre ensuite la réaction, le témoignage de sa mère à la suite de la mort de son fils en prison. Vous allez voir, en écoutant cet extrait, c'est très révélateur de l'état d'esprit qui habite Jackson au moment où il écrit à sa mère. Lettre de George Jackson à sa mère. Chère maman, j'espère que tu vas bien. Je résiste de mieux que je peux aux effets détestables du camp de concentration. Mais je ne reçois de vous aucune compréhension. Les conseils que tu me donnes, si je les suivais, ne feraient que m'asservir un peu plus à la folie de notre temps. Il est clair que tu ne m'aimes pas quand tu refuses de m'aider de la seule manière possible, de la seule manière que j'attends, en me disant que j'ai raison et que tu me bénis. Rumine ça un instant. L'homme blanc, colonisateur, usurier, foncièrement voleur, assassin par intérêt, esclavagiste, fabricant de canons, parasite égocentrique, langue fourchue, cet homme étrange tente de nous faire croire que c'est nous qui devons nous adapter à ses valeurs, que nous devons apprendre à lui ressembler davantage, et que si nous ne le faisons pas, nous sommes des arriérés, des sous-développés, des rustres. Cela est bizarre et contradictoire. Quand comptes-tu me dire quelque chose qui puisse m'aider? Cela fait longtemps que je suis seul, et c'est pourquoi j'ai tant peiné et souffert. Mon père ne m'a rien donné, toi tu m'as donné Dieu et cette horrible église de blanc, et même Dieu s'est arrangé pour me prendre quelque chose. Il ne me reste plus rien que moi-même. Tendrement, Georges. J'ai parlé à des prisonniers qui venaient de San Quentin, de Soledad et de Tracy. Ils m'ont dit que mon fils leur avait appris à lire. Même s'il a été en prison pendant 10 ans, et si on l'a considéré comme une bête, il aura quand même fait quelque chose de bien sur cette terre. C'est la seule consolation que je puisse avoir maintenant, qu'il ait essayé d'aider son prochain, même au risque et au prix de sa propre vie, en restant en prison aussi longtemps. And staying in prison so long. C'est très fort, cet extrait qu'on vient d'entendre, Karine Prémont. Ça nous en dit beaucoup sur George Jackson, mais ça nous en dit beaucoup sur les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. Ça nous en dit beaucoup aussi sur la rage que lui, mais les autres autour de lui, ont au cœur. C'est une lettre à sa mère, mais c'est plus que ça. Là, c'est un manifeste politique qu'on vient d'entendre. Est-ce que ça aura un effet? Et quel effet ça va avoir, la mort, l'assassinat de George Jackson en Californie, sur la révolte à la prison d'Attica? Bien, en fait, ça va avoir des conséquences dans plusieurs prisons, parce que la nouvelle de la mort de Jackson, alors qu'il tentait de s'évader, va se répandre un peu partout auprès des prisonniers américains. Il y aura quelques conflits, quelques émeutes dans des prisons. Mais ce qui va se passer à Attica, en fait, c'est que deux semaines plus tard, il y a des gardiens qui vont isoler deux prisonniers noirs pour une querelle mineure, en fait, ouais. vont les isoler. Mais il y aura des rumeurs qu'en fait, ils ont été battus, torturés, etc. Donc, ça va susciter la rage qui était déjà latente chez les prisonniers d'Attica. Et ils vont réagir de façon très, très violente. Le 9 septembre, ils vont attaquer un gardien et c'est là qu'en fait, ils vont prendre le contrôle de la prison assez rapidement parce qu'ils vont avoir accès aux clés, ils vont avoir accès aux portes. L'établissement est très vétuste, alors il n'y a pas de système de sécurité qui empêche ce genre de prise de contrôle des prisonniers. Donc, le climat, il est là, la tension, elle est vive, mais en même temps, puis on va l'entendre dans l'extrait qui suit, même si cette émeute-là est vraiment historique, marque un tournant, symbolise quelque chose de très fort à ce moment-là dans les prisons américaines, dans cette rage des prisonniers, ça n'est pas planifié. Ça arrive. On écoute un extrait de l'émission britannique Witness, diffusée à la BBC en 2013. Vous allez y entendre Carlos Roche, qui était prisonnier à Attica au moment où débute cette émeute, le 9 septembre 1971. I was in the shower. I took a shower. And I came out the shower, and a guy was driving down the hallway with a forklift. Je sortais de la douche et j'ai vu un type traverser le corridor en conduisant un chariot élévateur. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il a foncé sur une porte et l'a forcé avec le chariot. C'est là que ça a commencé. Ils lui ont lancé des grenades fumigènes. Des détenus lui sont venus en aide en relançant tout ça en direction des gardiens. C'était le chaos complet. It was on. It was, you know, total chaos. Ils ont pris en otage tous les gardiens de l'atelier de tôle, tous les gardiens du bloc B et les ont amenés dans la cour. Au début, c'était chacun pour soi. Certains qui étaient en conflit avec des gardiens en ont profité pour se venger. Tout ça était très spontané. Les leaders sont apparus plus tard. Well, the whole thing was spontaneous. It was nothing planned. The leaders came later on. Revenons au début de cette mutinerie à la prison d'Attica, Karine Prémont. On l'entend, c'est intéressant, Carlos Roche, encore une fois, il dit, bien sûr, c'était explosif, mais c'était pas planifié. Mais après, ça a été récupéré. Il y a des gens politisés à l'intérieur des murs qui vont essayer de... Il y aura des négociations, on va y venir dans un instant, mais au cours de ce siège à la prison d'Attica. Mais comment ça commence? Racontez-nous un peu, on en a une petite idée avec l'extrait qu'on vient d'entendre, mais qu'est-ce qui se passe exactement ce 9 septembre 1971? Mais c'est à ce moment-là qu'effectivement, ce baril de poudre que sont les prisons américaines explosent littéralement. Évidemment, la mise à feu, c'est George Jackson. Ce sont les prisonniers noirs qui sont pris à partie par des gardiens à Attica. Et la situation va dégénérer très rapidement, justement parce que la rage, la haine, elle est telle, l'insatisfaction est telle que ça prenait une étincelle pour que tout explose. Et c'est ce qui se passe. Les prisonniers vont s'en prendre à 42 personnes qui sont à l'intérieur de la prison, essentiellement des gardiens, du personnel civil, vont les prendre en otage. Donc, une quarantaine d'otages qui sont contrôlés essentiellement par rapport à peu près 1200 prisonniers qui vont les rassembler au sein du bloc D de la prison. Ils vont s'organiser très rapidement. Effectivement, on a entendu dans l'extrait, il y a des leaders qui éventuellement vont émerger, vont s'organiser rapidement pour surveiller les otages, mais aussi pour organiser une équipe de négociation. Ce qu'on veut, ultimement, c'est profiter de la situation pour demander l'amélioration de nos conditions. Donc, une vingtaine de revendications, d'abord par écrit, ensuite dans un discours télévisé. On en a entendu un extrait au début de l'émission, essentiellement qui dit « Nous ne sommes pas des animaux, nous voulons être traités comme des êtres humains », ce qui est loin d'être le cas à cette époque-là dans les prisons. Ouais. Surtout que la majorité des prisonniers, on l'a dit, sont des Afro-Américains. Ce qu'on demande aussi essentiellement, c'est un accès à de l'éducation, notamment à des programmes de réinsertion, pour éviter, encore une fois, de se retrouver toujours dans cette espèce d'engrenage de prison et de criminalité. Le gouverneur de l'État de New York, c'est le républicain Nelson Rockefeller. Il sera avisé rapidement de la situation dans la prison d'Attica, mais va refuser de se rendre sur les lieux, de parler aux prisonniers, de s'impliquer de quelque manière que ce soit, et adoptera rapidement la ligne dure face à l'émeute. Ouais, ce qui fait que ça va se terminer vraiment par un massacre. Mais, et un massacre, on le saura ce sera confirmé plus tard, oui. qui aurait pu être évité, évidemment, parce que ce qui se passe, revenons sur ce moment-là, vous le dites bien, les prisonniers s'organisent, il y a des leaders, on organise, on veut que cette émeute-là serve à quelque chose, serve au changement des conditions de vie des prisonniers, et ce qui est assez... je pense que même aujourd'hui, ce serait impensable. Il y a des caméras. On va laisser les journalistes entrer dans la prison. On organise une négociation. Il y a un comité d'observateurs qui va suivre ces négociations-là. C'est plutôt calme à ce moment-là dans la prison. Oui, on est vraiment dans une mentalité de négociation, de discussion, de changer les choses. Bien sûr, on a des otages, mais ça se passe de manière assez pacifique. Ils sont bien traités, généralement, les otages. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de conflit à ce moment-là. Alors, comment ça se passe, cette négociation-là? Ça va durer quelques jours? Ça va durer 2 jours, en fait, et ça va être un peu chaotique parce que, d'abord, le négociateur du gouvernement, M. Russell Oswald, et du service correctionnel de l'État de New York, il est un réformiste lui-même. Il comprend bien que ça prend quelque chose de gros pour changer ce qui se passe dans les prisons et aussi pour éviter que cette situation-là ne se reproduise, bien évidemment. Le problème, c'est que, vous l'avez dit, il y a des médias, il y a un paquet d'observateurs, il y a des avocats du Black Panther Party, par exemple, qui sont là. Il y a des journalistes. Il y a toutes sortes de monde qui se retrouvent là, finalement, et ça complique passablement les négociations parce qu'on ne sait pas vraiment qui parle au nom de qui. Et surtout, M. Oswald n'a pas vraiment de pouvoir de décision. Et surtout que le pouvoir politique est derrière lui, notamment Rockefeller, mais aussi la Maison-Blanche et aussi le FBI, lui impose des contraintes particulières, c'est-à-dire tu dis non à tout. Ah oui. Alors, à partir de ce moment-là, ça devient très difficile de négocier et il se retrouve rapidement dans une impasse. Ce qui fait que le gouverneur d'État de New York, Nelson Rockefeller, décide de mettre fin à cette mutinerie-là à la prison d'Attica. Il autorise une opération d'assaut qui va être assez violente, merci. Ça se produit le 13 septembre. Et qu'est-ce que ça va donner, Karine Prémont? Bien, ça va donner un massacre, en fait, parce que le matin du 13 septembre, on a M. Oswald qui présente un ultimatum aux prisonniers. Mais en fait, il ne le présente pas de cette façon-là parce qu'il est lui-même pas sûr que c'est ça. Les prisonniers refusent, évidemment, de céder aux demandes du gouvernement. Ils font défiler des otages, les yeux bandés, avec des couteaux sous la gorge pour mettre un peu de pression sur le gouvernement. Et un des négociateurs va apprendre aux prisonniers qu'un gardien est décédé, un des gardiens qui avait été blessé au début de l'émeute, et en même temps qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les prisonniers à la fin de tout ça. Alors, on comprend bien à ce moment-là que le refus de négocier, que le processus de négociation de la part des prisonniers commence aussi à s'estomper. L'assaut va débuter dans les minutes qui suivent cette rencontre-là. Des hélicoptères vont jeter des bombes lacrymogènes dans la cour du bloc D. Et il y a à peu près 600 policiers qui vont donner l'assaut et il y aura environ 5000 balles de tirer durant l'heure que ça va prendre pour sécuriser la prison, dont des munitions qui sont interdites par les conventions de Genève. On y va quand même assez fort. Il y aura 43 morts, 33 prisonniers, 10 gardiens, pour la plupart d'ailleurs tués par les balles des policiers. Et comment, c'est vraiment la boucherie, il faut dire les choses comme elles le sont, comment les autorités vont justifier cette ligne très, très dure? En fait, très simplement, ils vont mettre toute l'attaque et tous les morts sur le dos des prisonniers en disant que ce sont les prisonniers qui ont tué les gens. Plusieurs ont été égorgés, torturés, castrés. On va en mettre beaucoup. Et ça va donner lieu à des représailles très intenses dans les 24 heures qui vont suivre. Les gardiens d'Attica vont s'en prendre à ceux qu'ils considèrent comme les leaders de ce mouvement, de cette émeute. Il y a des prisonniers qui vont être tués après l'émeute par les policiers, par les gardiens de prison. Mais c'est le médecin légiste, à un moment donné, qui va faire une sortie publique en disant, ben moi, ce que je vois, c'est que la plupart des gens ont été tués par des balles des policiers. Alors, il faut cesser d'accuser les prisonniers. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Puis, en fait, avec le temps qui va passer, les historiens, les politologues qui vont se pencher sur cette émeute qui est devenue vraiment un point tournant, un événement historique, symboliquement très fort aux États-Unis, on va apprendre toutes sortes de choses. Mm-hmm. Et l'une des historiennes qui va vraiment ajouter beaucoup d'informations, c'est l'historienne Heather Ann Thompson. Elle publie en 2016 le livre Blood in the Water. Elle parle dans ce livre-là des coulisses, au fond, la façon dont les politiques ont tiré les ficelles, ont géré cette crise-là. On écoute un extrait d'une entrevue qu'elle accorde à PBS en décembre 2016 et puis on revient sur les leçons qu'on a tirées finalement de cette affaire-là plus tard. C'est une contestation de prisonniers qui commence dans la violence, mais qui se transforme en quelque chose de très pacifique et très ordonné. Et tout à coup, au milieu des négociations, l'État décide de reprendre possession de la prison dans un grand coup de force. Suddenly, in the middle of the negotiations, the state decides to retake this prison with enormous force. Nearly 600 heavily armed law enforcement. Près de 600 officiers lourdement armés entrent dans la prison et c'est un massacre. Ce qui est remarquable, c'est que tous les conseillers du gouverneur Rockefeller lui ont dit « Ne fais pas ça, ça va tourner au massacre ». Mais il l'a fait quand même. Alors ma question, c'est pourquoi? Pourquoi avoir stoppé la négociation? Pourquoi autant de violence? La réponse courte, c'est que Rockefeller s'intéressait avant toute chose à son avenir politique. Il se braquait à droite pendant que son parti, le Parti républicain, opérait un virage à droite. Nous sommes au début des années 70, Nixon est à la Maison-Blanche et Attica devient alors le symbole du durcissement de l'autorité. C'est un moment pivot où l'on passe de l'ère des droits civiques dans laquelle on discute d'une réforme des prisons à une période punitive pour devenir ensuite le pays qui compte le plus de prisons au monde. Discussing prison reform to a very, very punitive era that we then become, you know, the country with the most prisons in the world. En rebondissant sur ce que vient de dire Heather Hand Thompson dans cet extrait, Karine Prémont, parlons-en des politiques qui géraient ce dossier-là. Nelson Rockefeller à New York, Richard Nixon, qui est président en poste à Washington. Qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion de cette affaire-là, politiquement? Ben, c'est une gestion qui est effectivement pas très efficace, clairement, parce qu'il aurait fallu éviter ce bain de sang-là. Mais en même temps, il faut se rappeler que Nixon a été élu en 1968 pour amener la loi et l'ordre aux États-Unis, justement, que ce soit à l'extérieur de la prison ou à l'intérieur. Donc forcément, il n'était pas pour céder devant ça. D'autant plus qu'on a appris par le biais du livre de Mme Thompson qu'il considérait que c'était un problème de noir, entre guillemets. Alors, on n'est pas très préoccupé par ce qui se passe là. Et effectivement, Rockefeller avait ses ambition présidentielle. Alors, d'ailleurs, il va devenir vice-président en 1974. Et il faut dire que la population est derrière eux aussi. La population souhaite une reprise de contrôle rapide de cette prison-là. Les médias sont assez peu enclins aussi à suivre les prisonniers dans cette affaire-là. Donc, il y a vraiment là un momentum en faveur de la répression policière. Et comme on l'a dit tantôt, ça va mettre fin à ce vent de réformisme qui commençait là à apparaître dans les prisons. Donc, durcissement. D'abord, pour les prisonniers à Attica, ça sera des semaines et des mois difficiles. Oui. Et puis, plus largement, du durcissement du code pénal, des conditions de vie en prison. C'est ça que ça va donner au bout du compte. C'est ça que ça va donner parce que, effectivement, la crainte suscitée par les émeutes d'Attica va surtout jouer en faveur de la nécessité de renforcer les règles, donc renforcement des lois, naissance de prisons privées aussi. Les conditions ne s'amélioreront pas vraiment non plus. Syndicalisation des gardiens qui vont faire en sorte que ça va être difficile de se débarrasser des gardiens qui sont un peu moins conciliants. Et, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec un système de prison aux États-Unis qui a un taux d'emprisonnement de 860 personnes pour 100 000 habitants. C'est le plus haut au monde. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que les conditions de vie dans les prisons aujourd'hui sont pires qu'elles ne l'étaient dans les années 60 et 70. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.